de t'en aller, mettre des ailes à tes souliers pour crever ton nuage de fumée. T'as pas envie d'aller au ciel comme une plume de sarcelle, de regarder de plus près le soleil. Vénus ou bien Venise, c'est la même valise que l'on remplit des mêmes souvenirs. Venise ou bien Vénus, rien de moins, rien de plus, et c'est si difficile d'en revenir. T'as pas envie de Marie-Laine, je crois que le bon Dieu lui-même n'a jamais écrit de plus beau poème. T'as pas envie de l'enlever, de la cacher, de l'enfermer, de garder pour toi tout seul sa beauté. Vénus ou bien Venise, c'est la même valise que l'on remplit des mêmes souvenirs. Venise ou bien Vénus, rien de moins, rien de plus, et c'est si difficile d'en revenir. J'ai bien du mal à me tenir debout avec les vents qui soufflent de partout et qui me rendent fou. Alors ne viens pas me tenter, laisse-moi ma tranquillité avec mes illusions de liberté. Vénus, Venise, c'est la même valise que l'on remplit des mêmes souvenirs. Venise ou bien Vénus, rien de moins, rien de plus, et c'est si difficile d'en revenir. Et c'est si difficile d'en...